infectés par des médias corrompus. Nous, derniers bastions blancs, nous devons résister. Prépare-toi au pire, toi l'envahisseur. Je vois d'ici l'heure de ta mort s'approcher. Yeah.